Salut Internet et bienvenue à ce quatrième épisode de Jason Jeu avec tes animateurs préférés, Max et Steph. Les seuls, les uniques, les merveilleux, les fantastiques et les sincèrement sublimissimement beaux. Bon, je vais prendre un compliment et je te dis que ce mois-ci, on va répondre aux questions de Cédric Duquette. Qui aujourd'hui, qu'on connaît bien évidemment pour sa super émission Retour vers le rétro. C'est notre buddy. Notre buddy YouTube qui est fantastique et qui nous pose souvent des questions. Ouais. Et qui aujourd'hui nous envoie une couple de questions style sur une île déserte. Oui. Oui. C'est notre thématique. C'est la thématique de la journée. Donc aujourd'hui, on va imaginer qu'on s'en va sur une île déserte. Oui. Et quelle est la première question? Mais en fait, Steph, avant de répondre à la première question, moi, si j'étais sur une île déserte, je me coucherais sur la plage puis je dormirais pendant genre 2-3 semaines. Oui, puis j'amènerais de la crème solaire. Oui. Puis de l'antimoustique. Oui. Puis après ça, on pourrait répondre à la première question. Oui. Alors, la première question de Cédric étant, quelle serait notre console de prédilection? C'est une bonne question parce que bon, il s'est passé beaucoup d'affaires depuis mon initiation aux jeux vidéo. Mais si tu me donnes, mettons que de l'électricité, si le désert, si. Ben oui, évidemment. Puis une connexion Internet, là, parce qu'il faut mettre les chances de notre côté. Ouais, on va imaginer qu'on a tout ça. Ouais. J'amènerais une PlayStation 4. Je le sais, c'est une console nouvelle, puis c'est un peu étrange parce que la librairie est pas tant là, mais quand même des fichu bon jeu sur PlayStation 4, puis il y a plein de bons jeux qui s'en viennent aussi, parce qu'on suppose que ça arrivera pas demain, non, que je vais être une île déserte. Mais j'aimerais surtout une PlayStation 4 à cause du service PlayStation Now, qui me permet de louer des jeux de PlayStation 3, puis d'y jouer en live streaming. Fait que j'ai accès à une grande bibliothèque de jeux PlayStation 3, en plus de pouvoir jouer à mes récents jeux. En plus d'avoir une manette super ergonomique, puis c'est ça. J'amènerais une PS4. Ah ouais? Ouais? Ben, moi, je te dis que j'amènerais mon PC. Simple, mon PC. Comme ça, je peux envoyer un courriel à du monde pour leur dire de venir me chercher sur mon île déserte. Puis pendant que j'attends, je peux passer à travers mon catalogue Steam. Parce qu'on a tout un gros backlog de jeux que t'as acheté parce qu'il était en spécial pendant la vente d'été de Steam. Puis tu t'es dit, c'est juste 5$, je vais jouer un mané, puis t'as jamais joué. Ou les Humble Bundles. Ça aussi, c'est le fun. Ouais. Il y a un site internet qui existe, je me rappelle plus c'est quoi, mais je vais le mettre dans les notes de l'émission. Ça te permet de connaître le nombre d'heures et de jours de ton backlog de Steam. Ouf! Mais veux-tu vraiment avoir accès à cette information-là? Non. Non. Non, je serais trop vieux, rendu à la fin. Trop gêné. Ouais. Donc, moi, ça serait mon plan. Mais c'est pas un peu de la triche, genre, t'amènes un ordi, là, tu peux comme te sauver de ton île. Ouais, puis là, toi aussi, c'est un peu de la triche quand on y pense. Parce que techniquement, t'amènes pas une console, t'en amènes deux pour avoir accès au backlog de l'autre. Fait que je pense qu'on a triché un peu toutes les deux. OK. Bon, on s'excuse, commence. Cédric. On va recommencer. Bon. OK, une seule console. T'as accès à juste le catalogue de cette console-là. Ben écoute, non. Attends. J'amène une console, mais... Regarde, moi, j'amènerais une PlayStation 3. Fat Edition. La grosse. Bon, parce que le catalogue de PlayStation 3... Celle qui est large de la base. Ouais. Celle qui fait du bruit en masse, là. Ouais. Fait que j'amènerais ma PS3 parce que, bon, le catalogue de PS3 est quand même impressionnant et intéressant. En effet. Beaucoup de JRPG. Ah! JRPG. On aime ça. Puis, en même temps, JRPG, c'est long. Fait que t'en as pour ton argent longtemps. Oui. Puis la PlayStation 3 fat est rétro-compatible avec les jeux de PS1 et PS2. C'est aussi un argument de poids parce qu'il y a d'excellents... JRPG aussi. Sur PS1 et PS2. Je suis un gars très JRPG. Ouais. Je m'excuse. Je suis un gars de même. C'est le fun. C'est le fun. On peut sauver le monde. Puis on peut grinder. Puis on peut faire de la magie. Puis il y a des grosses épées. Puis il y a plein de personnages le fun. Ouais. Puis on sauve le monde. Est-ce que je l'ai mentionné? Je pense que oui. Oui, ok. C'est le premier point. Mais on dit jamais assez qu'on sauve le monde. Ça va être un épisode, je pense, pas mal de JRPG. Possiblement, possiblement. Mm. Mais en tout cas, toi, Steph, moi, j'aimerais une PS3 fat. Ça serait mon deuxième choix aussi, parce que JRPG, hein? Ouais. Mais honnêtement, sinon, j'amènerais mon GameCube. Et ma... Oui! Ton GameCube? Mon GameCube. Je sais, mais c'est ma console de mes premiers amours. Genre 20 jeux de bons sur la GameCube. 20 jeux, c'est bien en masse pour t'occuper pendant... Arrête, je peux en amener 700. Oui, mais tu joueras pas à tes 700. Non, mais mettons, je vis assez vieux. Je pourrais jouer à mes 700. Oui, mais je te ramène ce contre-argument-là. Oui. C'est, en fait, sur mon GameCube, il y a tous mes premiers amours. Évidemment, Super Smash, évidemment. Super Smash. Ben oui. Mario Sunshine. Il y a Zelda The Wind Waker. Une sorte de bons jeux comme ça. Mais surtout, il y a... Et ça va nous amener à notre prochain point, en fait, aussi. On fait des liens de même. Ouh, on est smooth! Il y a mon jeu que j'amènerais sur une île déserte. Le jeu dont je ne me tanne jamais. Jamais, jamais, jamais, jamais. Genre de jeu qu'elle refait à tous les années. Genre, oui, sérieusement, c'est mon jeu doudou, le jeu que je pars quand je suis malade puis que je suis chez nous, m'enfermer. Puis tu finis quand t'es guéri. Que je finis quand je guéris parce que c'est 60 heures de jeu. C'est, j'en ai déjà parlé ici, et c'est Baten Kaitos, qui est, écoute, j'ai tellement joué que mon père est capable de faire des calls du jeu pendant que je suis en train de jouer. C'est. Ouais. Écoute, je suis en train de jouer puis j'entends mon père qui fait Water Burst à côté. Ouais. Mais on va juste mettre les gens en contexte. Oui, donc. On va juste mettre les gens en contexte parce que oui. Baten Kaitos, c'est un Hidden Gem de la GameCube. Oui, c'est un Hidden Gem, oui. Fait qu'il faut revenir au bas. Oui, donc je vous explique c'est quoi le jeu. On est dans un monde où est-ce que la Terre a été ravagée par un gros cataclysme. On sait pas trop exactement c'est quoi. C'est des choses. Donc, techniquement, c'est un jeu post-apocalyptique. Quoique ça a vraiment pas l'air de ça. Et la Terre a été tellement empoisonnée, dans le fond, que la vie sur la Terre était plus vivable. Donc, des mages ont fait de la magie de mage pour arracher des bouts de continents du sol pour les suspendre dans les airs. Et l'humanité survit sur ces îles flottantes-là. Éventuellement, ils ont évolué pour avoir des ailes. Ah! Donc, qui deviennent aussi des manifestations de l'âme des gens. Donc, tu peux, comme, sont cachés, tu peux, comme, genre, wings on, wings off. Ah, tu peux faire ça, c'est pratique. C'est cool. Et, dans le fond, on joue le personnage principal est Kallus, qui est un jeune homme qui est handicapé. Il ne possède qu'une seule aile. Un one-winged angel. C'est bien drôle. Oui. On s'en fait à la même époque. Honnêtement, je me rappelle plus en quelle année c'est sorti que Baten Kaitos. Plus tard que... définitivement plus tard que Final 7. Inspiration alors. Donc, parce que GameCube, c'est pas que la PS2. Ah, ben oui. Et, ben oui, ouais. T'as raison. Donc, oui. Oui, fait que... oui, et on suit donc ce jeune garçon-là, mais en fait... c'est pas le personnage qu'on joue, nous. Okay. C'est le personnage principal, mais c'est pas lui qu'on joue. En fait, le joueur joue le rôle de l'ange gardien de Kallus, le personnage principal. Et de temps en temps, Kallus va se tourner vers l'écran et te dire « Je sais pas qu'est-ce que je devrais faire. Qu'est-ce que je devrais faire, Stéphanie? » Comme dans Rambam? Genre, mais tu peux y répondre puis il va t'écouter. Par contre, si tu lui réponds pas l'affaire qu'il veut entendre, il va te faire de l'attitude. Ah, comme dans Rambam. Exactement. Et évidemment, il y a tout un monde, une quête JRPG-esque assez très claire. Le jeune garçon est en quête de vengeance parce que son grand-père a été Et son petit frère, dans le fond, a été tué par des sbires de l'Empire machiavélique qui tentent de conquérir le monde. On rencontre une fille qui est on the run du même empire, qui a un pendentif magique, qui a l'air d'avoir des pouvoirs. Et éventuellement, on se ramasse une belle équipe de rebelles pour tenter d'empêcher le méchant empereur Geldoblin de ressusciter un dieu ancien pour pouvoir conquérir le monde comme ça. Mais qu'est-ce qui différencie de tous les autres? C'est classique, là, à date, là. Oui, jusqu'à date, c'est très classique. Faut comprendre, par contre, que moi, c'est le premier que j'ai joué. Ah. Fait que techniquement, moi, j'étais pas consciente que c'était des clichés à ce moment-là. Pour moi, ça reste... J'étais pas... Là, c'est évident. Là, c'était rendu là, c'est évident. Ouais. Mais pour moi, c'est la première fois que j'avais expérimenté ça. Donc, pour moi, c'était pas un cliché. Mais, premièrement, le gameplay est intéressant parce que le combat, c'est du tour par tour. Mais, on ne se bat pas avec simplement comme ça. Dans le monde de Baten Kaitos, il y a une technologie qui s'appelle des Magnus Cards. Dans le fond, qui sont comme des disquettes. Dans lequel, sort of, c'est un peu comme des disquettes tellement, quasiment. Parce que dans le fond, c'est des cartes dans lesquelles tu peux stocker l'information de n'importe quoi. Oh, littéralement. Ouais. Comme une Pokéball. Comme une Pokéball, mais comme pour n'importe quoi. T'es comme, j'ai faim, mais j'ai fini de manger mon lunch, mais il m'en reste. Je vais stocker le reste dans ma carte. Oh, ouais. Puis quand je... C'est bien quand cool. Je vais avoir un, quand je vais avoir un creux, je vais faire juste comme... Hey, mon restant de sandwich! Ok, tu bouffes pas la carte. Non, tu manges pas la carte, tu le sors après. Okay. Tu stockes l'information puis tu le sors. Puis ça, ou n'importe quoi d'autre à faire, tu te promènes dans la forêt, t'as comme un gros arbre qui te bloque le chemin, t'es comme, ah, je suis pogné. Tu t'en retournes dans ton village, t'as comme un feu qui est en train de brûler dans un foyer. Tu sors ta carte. Tu pognes du feu que tu stores dans ta carte, t'arrives devant ton arbre, tu sors le feu, ça brûle, t'es capable de passer. Ah ouais? Ouais. Quand même cool. Le système de combat est basé sur cette technologie-là. Donc c'est le fun parce que t'as cette technologie-là en combat et pas dans le combat. T'sais, c'est vraiment bien intégré dans le monde. Ok. Contrairement à certaines technologies comme, mettons, Final Fantasy 7, OK, t'as de la technologie pour faire du cure puis du revive, mais t'es pas capable de penser de l'utiliser quand Aerys a meurt. Excusez-moi, ouais. Spoiler alert. Ben là, mais... un jeu qui est sorti il y a quasiment 20 ans, je pense qu'on est grec. Oui, en effet. Donc là, ça, c'est le fun parce que c'est vraiment bien intégré là-dedans, parce que dans le fond, le système de combat, c'est les cartes d'attaque. Donc, tu stores... t'as des cartes, tu montes ton deck finalement. Donc, ah, c'est ouais. Important parce que ça va être au hasard. Donc c'est important que t'aies un bon balance de cartes d'attaque que tu peux jouer quand c'est ton tour et des cartes de défense. Tu peux, t'as des cartes d'armure, casque, whatever que tu peux utiliser défensivement quand on t'attaque. Donc c'est tu peux bloquer fun, comme ça. Et ce qui est le fun, c'est que les cartes ont des chiffres. Fait que tu peux faire des combos. Non, tu dois faire des straight flush royales. Des royal. Straight flush, puis si t'as des doubles, ça augmente le dommage. Ah, ouais. Et ou ça le réduit si tu fais un combo pendant que t'es en train de te défendre. Ah. Donc ça, c'est intéressant. T'sais, est-ce que tu vas utiliser telle affaire qui va te bloquer un peu plus, mais tu vas manquer ton combo. Puis évidemment, bon, il y a des classiques aussi au niveau du combat. C'est un JRPG, puis skip beau. En même temps. Wow. Plus c'était mon premier JRPG, mais c'est la première fois aussi qu'un jeu que m'a surpris avec un twist, un plot twist. Je ah le ouais? dirais pas. Ben non, parce qu'on a pas. Moi j'ai pas joué. Parce que t'as pas joué, mais à un moment donné, il y a un gros twist, et à ce jour. Je ne me suis jamais aussi sentie trahie par un jeu que par qu'à ce moment-là. Mais c'est sérieux? Sérieusement là, quand j'ai eu le twist, j'ai échappé ma manette puis j'ai fait. T'as échappé de manette de GameCube? Cube, ouais, ça fait. Pfff. Hein? Eh ben, t'as fait forte là. Hein? Ça fait quand même fait. C'est pas forte là, tu sais. Nintendo font pas ça à moitié, là. Non. Tu sais, ils font ça solide. Oh, ouais. Mais oh mon Dieu, j'étais flabbergastée. j'étais comme « Mais non! Mais non! Mais non! » Et cette révélation-là, le Red Wedding dans Game of Thrones, même réaction. Ah ben, bâtard. C'est... Puis ouais, c'était fou. J'adore ce jeu-là. J'y rejoue avec grand plaisir au moins une fois par année. Et je ne m'entendrai pas. Je pourrais facilement, sur mon île déserte, juste jouer, finir le jeu, puis recommencer. Toi, ah ben. Ça c'est quoi ton jeu? T'as comme répondu à la dernière question sans le savoir. Fait que je vais répondre à la dernière question, moi, avec. Oui, on va revenir à la deuxième. Ben ouais. Moi, j'amènerais possiblement Final Fantasy IX. Un autre JRPG. Final Fantasy IX, pour moi, c'est le meilleur Final Fantasy. Qu'est-ce qui amène cette réflexion-là pour toi? Qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans ce jeu-là, comparé aux autres? Pour moi, Final 9, c'est Final 7, avec une évolution de personnage beaucoup mieux ficelée, puis bien mieux amenée. Les personnages sont super intéressants. L'univers est le fun. T'as un univers médiéval, steampunk, super intéressant. Le héros est charismatique à fond. C'est intéressant. C'est un mélange entre un animal et un humain. Il y a quelque chose de bien fun. Il est drôle. C'est vrai, Zidane est vraiment drôle. Il y a des trucs très shakespeariens dans cet univers-là, avec les théâtres qui volent, les mises en scène. C'est magnifique, c'est super intéressant. Le plot twist aussi est quand même bien intéressant. Le airship qui est le fun. Le truc avec les gates aussi, vraiment super plaisant. Fait que, ouais, c'est un super bon jeu. Puis j'aimais ça parce que la musique de combat était 40. T'as 4 bonhommes dans ton équipe. Puis ça, on n'avait pas vu ça depuis Final 6. Fait que ça, j'aimais bien ça. Ça, c'est le fun. Des fois ça, c'est quelque chose qui me gosse dans la plupart des JRPG. C'est comme, tu le sais que t'as toute ton équipe qui te suit. Pourquoi tout le monde peut pas participer? Ouais, c'est, hein? C'est vrai que c'est un peu plate, ça. Faudrait qu'à la maison, tu fasses un JRPG, puis... Tout le monde peut jouer. Certains jeux peuvent le jouer encore là, tu sais, comme admettons Final 10, où est-ce que tu peux switcher des personnages, mais en même temps, parce que tu te dis comme, t'as la gang en arrière qui font juste comme te regarder pendant que tu te bats, pis t'es comme genre un peu d'aide ici, je meurs. Moi, je suis full HP pis je te regarde crever. Loulou, peux-tu juste caster des fireballs? Non, t'es en avant de moi, je vais te frapper. Non, je peux pas. Non. Fait que c'est ça! Fait que c'est ça. Puis Final 9, tu sais, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup d'interactions avec les personnages. Mm-hmm. Ça, je trouve ça fun. Puis, dépendamment des personnages que tu as dans ton équipe, tu vas avoir des interactions différentes. Pour vrai? Ça, c'est vraiment cool. Ouais. Ça me plaît bien. Donc, c'est Final Fantasy 9 que j'amènerais sur mon île déserte avec ma fat PlayStation 3. Ta fat PlayStation 3. Oui! Et moi, mon Baten Kaitos avec mon GameCube. Ton cubic GameCube. Couleur de Gumballoon. Ah ouais, t'avais celle-là? T'avais le mauve. Le mauve. Il était beau, le mauve. Ben oui, c'est une belle couleur, mauve. Moi, j'aimais bien le épice. Le orange. Oh God, ça, c'est orange. Moi, j'avais la manette épice, mais j'avais pas le GameCube épice. Ça me rend un peu triste. Bref! Ben, ça t'aurait peut-être aveuglé aussi de trop de fluo. Peut-être. Alors, qui l'a cru? Qui sait? Et tout ça nous amène à la dernière question de Cédric. Avez-vous déjà trippé sur un jeu de sport? Donc, mettons, si on avait un jeu de sport amené sur un désert, tu me suis? Je me suis. Il y a comme un lien, là. Je sais, c'est ténu, mais c'est notre show, fait que deal with it. Hein, c'est nous les boss. Donc, on décide que ça rentre dans ce thème-là, fait que c'est ça. Si oui, lequel? Donc, Steph... Oh. Ben, le ou lesquels? Fait que Steph, est-ce que t'as déjà trippé jeu de sport? Oh que oui! Ben, pour ceux qui suivent nos versus, j'ai mon préf, c'est vraiment SSX3 sur le GameCube. Celui qui m'a sacré une volée. Oui, que j'étais vraiment... Mais t'as fait une belle performance. Ah, mais pas voir ça. Après avoir joué, tu vas sûrement avoir compris qu'il est vraiment bien fait comme jeu. Premièrement, pour des graphiques de GameCube. Ah, c'est cool, là. Oui, vraiment. quand même beau, là. C'est du café de GameCube, c'est pas acheté, mais c'est pas du cel shading non plus. C'est pas du cel shading, tu sais, mais c'est quand même très décent. Ouais. Et les courses sont le fun, les trucs que tu peux faire sont vraiment folles. Puis là, t'as fait juste comme les plus calmes, tu sais, ouais. Ça devient vraiment incroyablement épique, là, les affaires là, que tu peux faire là-dedans. Là, tu peux faire un saut directement qui passe à travers un avion, là, tu sais, c'est... Quand même, c'est, là! C'est fou, là! Et ouais. Ce qui est vraiment le fun aussi, c'est que tu peux tellement... T'as tellement de choses à faire. Oui, il y a les courses. Tu peux jouer tout seul, tu peux conquérir la montagne, tu peux jouer contre tes amis. Et quand t'as fini de faire les courses, il y a plein de challenges que tu peux faire. C'est vraiment... long avant de 100% ce jeu-là parce qu'il y a tellement de challenges cachés un peu partout dans chacune des pistes. Tu, en ramassant de l'argent, tu peux augmenter ton personnage pour le monter, tu peux y acheter du linge pour le customiser. Mmh. Et le linge aussi a une fonction, ça peut augmenter tes skills en fait. Ah ouais? Oui, si tu décides de d'habiller ta rider féminine dans le beau petit costume de bikini USA, ben ton personnage va avoir froid, fait que ça va baisser le handle de ton jeu, fait que c'est bien drôle, fait que tu vas. Par contre, si tu y mets une belle parka, ben puis des lunettes de ski, ben ça elle va mieux voir, fait que ça augmente son bâtard. Ça fait plein de sens. Fait que ouais. Tu peux la mettre dans un bikini, c'est juste pas logique. Ouais, à moins qu'on soit le printemps. Oui, mais... Il y a du monde qui font du snow de printemps, là. Peut-être. Et là, je sais pas. Oui. Et la musique est folle. Il y a tellement une bonne soundtrack. Assez que je possède la soundtrack. Ce qui est juste vrai. Oui, j'ai le CD de la soundtrack. Ce qui est vraiment plate, par contre, parce que t'as comme juste comme 10 tunes alors qu'il y en a 50 dans le jeu. Puis c'est même pas les 10 meilleurs, à mon avis. Elle est très bonne, mais si j'avais juste eu à en prendre 10, ça aurait peut-être pas tout été ceux-là. Mais bon, j'ai techniquement la soundtrack. Et surtout, ce qui est vraiment le fun, c'est que de la manière que le jeu est fait, quand tu joues, t'as le DJ, dans le fond, c'est comme si t'écoutais la radio pendant que tu te promenais, puis il va commenter sur ce que tu fais. Oui, c'est vrai. Il va dire hey, à tout le monde, bienvenue à EA Radio Big. On est. Avez-vous vu la performance de Mac à telle course hier? C'était fou. Il a vraiment tout dominé. Puis je peux vous dire que, en tout cas, Nate, il a pas aimé ça. Puis il a dit qu'il l'attend et qu'il lance un défi à telle piste. Oh. Là, c'est fou, là, tu sais. Fait que tu commentes là-dessus. Puis. Avec l'argent que tu ramasses en faisant des courses, trucs comme ça, tu peux acheter des tunes. Oui! Comme un iTunes comme Store. Comme un iTunes, sauf que c'est pas de la vraie argent, c'est avec l'argent du jeu. Oui, aujourd'hui, on verrait pas ça. Faudrait que tu mettes de la vraie argent pour pouvoir faire ça. C'est triste. C'est triste. T'as changé. Oui, mais écoute, autre temps, autre mœurs. Et tu peux donc acheter ta musique pour monter ta propre playlist, puis le DJ va juste jouer les tunes que tu veux. C'est bien cool. Il y a tellement de trucs à faire là-dessus. Moi, j'adore ce jeu-là. C'est... J'ai vraiment trop de plaisir à ça. Fait que là, t'arrêtes de me dire que toi, t'amènes un GameCube avec Baton Kaitos, puis FFX3, puis genre, toutes tes questions s'entremêlent et se fusionnent. Oui. Tout part avec un package. Oui. Et toi, t'amènes ta PS3 fat avec un jeu de PS2. Ouais. PS1. PS1. Je suis plus sûre. Non, c'est vrai, le premier PS2, c'était Final 10. Oui. Et est-ce que ton jeu de sport, il est sur la... Non! Non! Je pourrais pas jouer. What? Il va juste falloir que j'y pense. OK. C'est quoi ton jeu de sport? Mon jeu de sport, c'est NHL 94. 94. C'est précis, ça. 94. Qu'est-ce que 94 a de particulier? Time out. Sur Super Nintendo, pas sur Genesis. Parce que moi, les consoles de Sega, je ne connais pas. Donc, Super Nintendo. Pourquoi? 5 raisons. Je te donne ça en rafale parce que ça commence à être là. Voice over. Oh, voice over pour un jeu de SNES? Voice over. L'arbitre te calé chat. C'est écœurant. Deuxième chose, la musique est folle. La musique est écœurante. La musique peut faire beaucoup pour un jeu. Vraiment. On lance un gros shout-out pour tous les compositeurs de jeux vidéo qui nous écoutent. Si, ils nous écoutent, mais en tout cas, on vous aime, faites un beau travail. Que Jean Gravel nous écoute. Oui, Jean Gravel nous écoute. Bon. Mais la musique peut make or break a game. Oui. Pendant que j'étais encore mes doigts en position 2. Donc, continue. On va y aller avec le 3. Le 3. Le 3 étant le petit clin d'œil à la Zamboni. Entre les périodes, quand tu choisis trio, la Zamboni, elle parle. C'est cool. Mais dans les nouveaux NHL, tu peux contrôler la Zamboni entre les périodes. Je veux juste souligner à la maison que j'ai pas joué à aucun NHL depuis NHL 94. Ah. Fait que, ben c'est cool. Oui, tu peux la contrôler, puis toi-même, c'est même un mini-game, combien de pourcentage de l'aréna, est-ce que tu peux... Puis est-ce que ça reflète la partie, la période suivante? Genre, si t'as pas fait un bout, ça va être plus dur? Me semble que non. C'est vraiment cool. Juste un mini-game. Ça serait vraiment cool. Fait là, ça serait pas juste parce que tu pourrais mettre comme la glace dans ta zone vraiment... C'est vrai. Vraiment dégueu. Ouais, ok. Bon, j'ai rien dit. Puis là, ça serait un unfair advantage. Ben non, ça serait pas mieux. Parce que t'es défenseur. Ouais, mais après ça, si tu scrapes un autre, l'autre affaire, ben ça va être plus dur pour toi quand tes attaquants vont... Bref, Zamboni, scrapez pas la Zamboni. Faites un Zamboni Simulator, puis on va être content. Autre chose? Je regarderais en fait vraiment ça. Ouais, hein? Zamboni Simulator. Ouais, ça serait cool. Après ça, ben écoute, t'as juste Nintendo, donc il n'y a pas de loading time. Oh, ça, c'est j'aime plus. Ça. Moi, j'aime vraiment ça. Et finalement, tu peux jouer Vincent dans Foot. Puis, pour ça, je trouve que ça vaut la peine que tu joues à NHL 94. Écoute, c'est une raison comme un autre. Raison comme un autre. Ah ouais, je sais pas s'il était bon, je m'en rappelle pas. Mais j'étais jeune. Mais Vincent dans Foot. C'est un petit gars de chez nous. C'est ça. Mais hein? Voilà, fait que tu t'identifies. Voilà. Parce que c'est comme ça. Voilà. Hey, quand même! On a répondu à tout. À tout! Tout, tout, tout, tout. Tous les trucs que Cédric voulait savoir. Ben, j'espère que t'es content, Cédric. J'espère. J'espère qu'on a bien répondu. Mais j'espère que Cédric et d'autres... Et toi, le reste des gens à la maison qui ne sont pas Cédric Duquette. Oui. ou un autre Cédric Duquette. Ou un autre Cédric Duquette. Il y a peut-être deux Cédric Duquette. Peut-être. Qui nous regardent. Peut-être. Ça serait drôle. Ça serait vraiment drôle. Mais on espère que vous allez nous poser d'autres questions parce qu'on aime beaucoup ça, répondre à tout ça. Puis on espère que vous avez du fun à entendre nos réponses un peu loufoques parfois. Parfois. Donc, si vous avez une question pour nous, écrivez-la nous dans les commentaires ou envoyez-nous un petit message sur Facebook, Twitter. Sur les Facebook ou les Twitter. Tous les médias sociaux, on est là pas mal partout. Ouais. Et autre chose à rajouter là-dessus? Ben oui! Rends visite à la chaîne de Retour vers le rétro. Ben oui! De notre ami Cédric Duquette. On devine que tu aimes probablement les jeux vidéo. Et ben ça tombe bien lui aussi, il fait des vidéos là-dessus. Ben oui! Ben fait que on est pas mal sûr que tu vas avoir du fun. Il est beaucoup dans le rétro. Puis il fait pas mal de tout. Il y a des lives, des genres de let's play live qui sont super intéressants. Mais ce qui est vraiment cool, c'est qu'il fait des entrevues avec des gens pour parler de leur passé rétro. Et ça, c'est vraiment chouette. Oui, c'est le fun. On t'invite à aller voir ça. Oui. Et nous autres, on va closer la shop parce qu'on a fini. On close la shop? Ben, excellent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On apprécie que vous ayez décidé de passer un petit bout de soirée avec vous. On apprécie l'investissement de ta demi-heure. Oui. Et on espère qu'on va te voir dans un prochain Jason Jeu. Salut! Bye.